change maker. Je suis là, me cherche pas, j'ai mis en sous-marin, je suis cédé dans la villa, personne ne peut m'arrêter, c'est parce que je vise là, la poste me met des paillettes, c'est parce que je vis là, non ben il met paillettes, je pas le week-end, pourtant y'a plein de minutes, en ville, au manipulé, t'as plus j'ai des sous, pourtant je suis pas le riche, je m'en mets pas en boîte, jamais je m'affiche, y'a plus d'âge maintenant, si tu veux faire le grand, tu veux faire le con, si tu fais des plans, ça va en feu, je te garde la queue, quand je me balade, et que je filme la bœuf, en Yamoto, vers les Arnabos. Des cagoules et des armes à feu. Il fallait pas pacifier, il a pas souffert. Dis-toi que ce que tu fais, on va te faire. Arrête tes poussettes et va te faire. Je veux te faire que fort, j'avais qu'à te taire. Ça fait de la peine mais je pense plus ailleurs. Ça y est, je suis ailleurs, j'ai pas le temps de l'air ailleurs. Je fais le signe, c'est de la team, là je dis oui. Je fais mon gros pétard et je prends mon fraise de kiwi. J'ai commencé le pilotage avec ma fille, oui. Après je cabrais dans les rues avec mon bi, oui. Bientôt je m'en vais, bientôt je me taille, taille, taille. Au studio tu me connais, rien que je taille, taille, taille. Quand on m'a dit je fais ma crise et ça sent jaille, jaille, jaille. Ils veulent tous graille, graille, graille, gros, tu veux savoir qui je suis? Où elle est ma clean? Je suis loin d'être le number one, mais je lève l'Afrique à fil. Je te dis que des riches sous-estiment en survêtement. Je suis pour mes sous, bien foutu maintenant. Je passe trop dans les parages, mais je rappe au mic avec la rage. Je casse toujours ma rage, y'a personne qui m'arrête. Je vis pas dans le lit, ça cadeau pas de mallette. Je ralentis le shit, ça m'abîme, je fume pas de cigarette. Et le Marco, il part du cul, sous la pluie, dur de pratiquer. T'en dois pas sur le popo, laisse-moi un gros ticket. Comme ça part de mon ticket, vous en blind à revendiquer. Je dis tout le tu connais, je changerai pas d'identité. Paul Maquette, ta tita, tu me parles, j'ai même pas quitté. Tu me sors des noms des quartiers, j'ai même pas qui t'a choupé. Arrête quoi, que je suis facile, c'est comme ça faire ma paix. Tu veux gagner des coupes du monde, ben travaille comme Mbappé. Super, c'est ta tapis, so tempo. Je vais frapper le mur, ça va vibrer comme tempo. Je vais des mecs à couler dans la berlingo. Berlingo, dans les bottes, y'a du liquide, des armes et des grosses équipes. Dehors, y'a des guerres mobiles, j'ai shit et des flics. Tu veux savoir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais, ce que je vaux, ce que je vis, ce que je vis, ce que je sais. Je connais du monde, mais je me mélange à personne. Toi, tu connais personne, mais tu te mélanges à tout le monde. Je viens de loin, quand je repasse à ma jeunesse, parle de moi, je laisse. Et j'oublie pas, c'est une promesse, pas une menace. 6 heures du mat, j'ai vu les flics devant la porte. Deux jours avant, j'ai vu des cifres devant la porte. Au secteur, c'est miné, je fais plus trop, je suis m'aligné. Je suis dans le cabriolet, je cache ma peine sous mes lunettes. Me cherche pas, je vais piquer comme l'abeille. Tu veux savoir si j'ai un cerveau, mais je sais pas comment je m'habille. C'est grâce à la mise, les frangins, ils ont les crocs. J'ai plus rien à fêter, j'ai quitté la cité. J'ai besoin de m'inviter, je chante pas par nécessité. Je dors dans un joint interdit au shit, où je vois pas des réussites. Il me reste que ma machine, depuis l'époque Giuliano. Je rappe le ballon, j'ai côtoyé des salons. Comment j'ai dormi dans mon salon. Ma vie est belle, quand ça vient pas me dire que tu m'as trahi. C'est rien le sang, il peut m'arriver pire, j'ai assagi. Je t'ai donné, tu m'as rien prêté. Quand galère j'étais, quand j'avais mon Vespa, j'allais voir le poteau en train de guetter. L'alcool c'est traite comme l'amour King Gadji. Ah ouais, je t'ai pas dit, ça veut goûter Versace. Non, tu m'as pas laissé le temps de te dire que je t'aimais autant. Le bon, le mauvais, je prends. Oublie le passé, faut voir grand. La noter, la noter. Je fais des rêves, je peux plus me réveiller. La note, la noter. C'est moi qui l'ai payé. J'ai mangé ma chevalière, mon dégradé essayant. J'ai gardé mes valeurs, maman, je te me sors jusqu'à la mort. Comment je vais finir plus, ça veut David Guetta, j'ai pas les fils à papa, j'suis pas ceux qui se font des tabacs. Hein, c'est la crise, check, mec, ok.